بسم الله الرحمن الرحيم. متن الأربعين النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث الثامن: حتى يشهدوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه الشيخان. Le huitième hadith, jusqu'à ce qu'il témoigne. D'après Ibn Umar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, a dit: il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah, et que Muhammad est son envoyé, qu'ils accomplissent la prière rituelle, qu'ils acquittent la zakat. S'ils exécutent ces choses, ils seront à mon égard garantis quant à leur personne et à leur richesse, à moins qu'ils ne transgressent ouvertement la loi de l'islam, mais Dieu réglera le compte de leur intention vraie. Cité par Bukhari et Muslim. The eighth hadith. Until they testify. Ibn Umar, may Allah be pleased with him, reported that the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, said, I've been ordered to fight the people until they testify that there is no deity worthy of worship besides Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah. Establish prayer and give obligatory charity. If they do so, then their wealth and blood are protected from me, except through the right of Islam, and their accounting is with Allah the Exalted. Reported by Bukhari and Muslim. Al-Hadith al-Tasi'u. Halaku man qablakum. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. لنوفيام حديث. Ils ont péri. Abu Huraira Abd al-Rahman ibn Sakhr, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à lui bénédiction et salut, dire: ce que je vous ai défendu de faire, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure où cela vous est possible. Ceux qui vous ont précédés ont péri seulement par l'abondance de leurs questions et leur divergence d'opinion à l'égard de leur prophète. Cité par Bukhari et Muslim. The ninth hadith. They were destroyed. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, reported that he heard Allah's Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, said: anything I prohibit you from doing, then abstain from it. And anything I ordered you to do, then do as much of it as you are able. Those who have come before you were destroyed because of their constant questioning and bickering with their prophets. Reported by Bukhari and Muslim.